Le vrai faux passeport. L'expression a fait florès, mais qui se souvient qu'elle est apparue il y a plus de 20 ans lors d'une affaire qui, plus que toute autre, a contribué la première à ternir les mœurs de notre classe politique. Argent sale, corruption, financement illégal des partis, fausses factures. On trouve en effet de tout dans l'affaire du Carrefour du Développement. Un vrai résumé de toutes les infractions et scandales qui jalonneront ensuite l'actualité politique jusqu'à nos jours. Et puis, il y a ce nom bizarre à l'accent topographique et vaguement intrigant, le Carrefour du Développement. Officiellement, il s'agissait d'une association régie par la loi de 1901, destinée à participer au développement des pays africains. Mais en réalité, on s'en apercevra peu à peu, il s'agissait aussi d'une officine destinée à fabriquer de l'argent sale et à financer des opérations illégales. En 1986, la découverte du scandale doit beaucoup à la première cohabitation qui s'instaure entre un premier ministre de droite et un président de la République de gauche. En jeu, il y a bien sûr la future élection présidentielle de 1988 et tous les coups bas sont permis. Mais la déflagration sera telle qu'elle dépassera bien vite ceux qui ont allumé la mèche et jettera une lumière crue sur les rapports entre l'argent et la politique. En même temps, qu'elle révélera, s'il en était encore besoin, un éclairage cruel sur la politique africaine de la France. Monsieur X revient donc sur une affaire qui, malgré ses nombreux aléas judiciaires, conserve encore des zones d'ombre. Esclavagisé, colonisé, matérialisé, dévalisé. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les pourvins de Sirvin, les crédits des débits, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Afrique mal dirigée, tyrannisée, manipulée, dévaluée. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. La solde des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, doux fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. L'Afrique doit encore, après 400 ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers, tant de plus qui pillent. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les complots du FMI et les blagues de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptes de compte et les sales sous de sa soupe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les montagnes d'Afrique volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet, du fouet, les bombos de bongo, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Est-ce que l'Afrique doit encore? Est-ce que Africa doit encore? Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Rendez-vous avec X. Au départ, il y a une belle et généreuse idée. Il s'agit de sensibiliser l'opinion française sur un impérieux objectif, le développement économique, scientifique et culturel de nos anciennes colonies. C'est la tâche que se fixe le Carrefour du Développement. Exactement. Mmh. Une association type loi de 1901 est donc créée à l'initiative du ministère de la Coopération. Elle reprend la publication d'une belle revue. Actuel Développement, qui existait depuis de nombreuses années et avait pour vocation d'être le miroir de la France et de mettre en valeur ses actions de coopération. Une revue principalement diffusée en Afrique. Ah, donc jusque-là, rien de tordu ou de répréhensible. En effet, mais cette modeste association qui salarie quand même une trentaine de personnes. C'est déjà beaucoup pour une association type loi de 1901. Oui, je suis d'accord. Enfin, je poursuis. Parmi les dirigeants, on trouve du beau monde. Le trésorier, par exemple, n'est autre que le chef de cabinet du ministre Yves Chalier. Quant à la présidente, c'est une femme très brillante, Michèle Bretin-Naquet, une universitaire qui est conseillère du ministre Christian Nucci, mais qui a également ses entrées à l'Élysée. Ouais, c'est une amie du président Mitterrand ? Je ne sais pas. Enfin, c'est une intime du monsieur Afrique de l'Élysée, Guy Pen. Ouais, l'homme qui a succédé... À Jacques Foccart, en somme. Hein. C'est à peu près ça, oui. Même si sous le précédent septennat, l'ancienne éminence grise du général de Gaulle a été laissée en lisière du pouvoir. Mais tenez, puisque nous parlons de Foccart, on trouve aussi dans le Carrefour du Développement l'une de ses anciennes secrétaires. Non, ce n'est pas un hasard. Bien entendu. Mmh. Foccart, qui officiellement ne se livre plus qu'à des activités commerciales d'import-export, continue à avoir l'œil sur l'Afrique où il est à tu et à toi avec la plupart des dirigeants. Et ici, je voudrais tout de suite faire une parenthèse. En 1981, l'élection de François Mitterrand soulève pas mal d'inquiétudes chez les chefs d'État africains. Oui, parce qu'ils ont peur que la politique africaine de la France ne change. Ils ont raison, au moins dans un premier temps. Car l'homme à qui on donne le portefeuille de la coopération, Jean-Pierre Cotte, annonce d'emblée qu'il va en finir avec les combines traditionnelles de la France-Afrique. Une volonté d'assainissement. Ouais. Et immédiatement, tous les potentats africains s'affolent et s'adressent directement à l'Élysée. Afin de protester. Ouais, bien sûr. Et certains, je pense en particulier à Bongo, le président gabonais, ne manquent pas d'influence. Mais il y a surtout un cacique, comme l'Ivoirien Oufouet Boigny, qui est depuis longtemps l'homme de la France en Afrique et qui est aussi un vieux compagnon de route de Mitterrand. Oui, du temps de la 4e République. Oui, ouais, ouais. Donc les protestations affluent. Et ce qui doit arriver, arrive. Cotte est contraint à la démission et il est donc remplacé par Nucci qui, sur ordre, va mener une politique africaine alignée sur celle qu'ont conduit tous les présidents français. Un mot alors sur ce Nucci dont j'imagine que nous allons beaucoup reparler. Hein. Mais auparavant, alors comment expliquez-vous que tous les dirigeants français, de la 5e République en tout cas, étaient tellement attentifs à l'Afrique? Oh ben, il y a de nombreuses explications possibles, mais la principale tient à la sauvegarde des nombreux intérêts que la France y possède. Le pétrole, l'uranium, les matières premières. Un précaré qu'il fallait défendre contre les convoitises de nos concurrents occidentaux et aussi de nos adversaires de l'Est. Mmh. Il faut dire qu'en retour, nos partenaires ou clients africains ont très souvent participé au financement des partis politiques français. Illégalement. Bien entendu. C'était encore l'époque des valises de billets. Ouais, parce que c'est fini. Bon, en principe, oui. Mais... Alors, Nucci, me demandiez-vous, c'est un vrai pied noir. C'est-à-dire un type chaleureux et plutôt extraverti, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi le fait, et c'est assez remarquable pour être souligné, que Nucci n'est pas issu du moule politique ordinaire. Ah, il n'a pas fait l'ENA. Non, c'est d'abord un modeste instituteur, puis un professeur de collège qui exerce en Isère. C'est dans ce département qu'il est remarqué par l'homme fort du PS local, Louis Mermaz, un parrainage qui lui vaut une brillante ascension politique. Maire, député et même président de la commission des conflits du PS. Et lorsque 1981 arrive, bah, il peut légitimement voir l'avenir en rose. Ah oui, au sens propre comme au sens figuré. Évidemment, ce fidèle mitterrandien est nommé haut commissaire en Nouvelle-Calédonie. Un poste sensible, hein, même si la situation n'est pas encore aussi tendue qu'elle le sera un peu plus tard. Et là-bas, Nucci se débrouille plutôt bien, malgré les craintes que suscitent chez les Blancs les caldoches. L'arrivée de cet homme de gauche. Quoi, c'est son sens des relations humaines ? Incontestablement. Cependant, il ne reste guère à Nouméa. En décembre 1982, il est rappelé à Paris et nommé ministre de la coopération à la place de Jean-Pierre Cotte. Ouais, il va donc incarner le changement de la politique africaine. Oui, ou plutôt le retour aux vieilles habitudes d'avant 1980. Et Mitterrand peut être certain que Nucci ne fera pas de vagues et n'entrera pas en conflit avec son conseiller Guy Penn. Autre élément qu'il faut prendre en compte et qui a une certaine importance dans cette affaire, Nucci est franc-maçon. Et alors ? Bah, attention, je ne veux pas verser dans les fantasmes anti-franc-maçons qui font de tous les frères des affairistes ou des complices qui se tiennent par la barbichette. Ouais. Ça, c'est un fantasme purement vichysois. Certes, mais il n'empêche que dans le scandale du carrefour du développement, on va trouver beaucoup de francs-maçons. Ce serait malhonnête de ne pas le souligner. Et justement, à la coopération, Christian Nucci hérite d'un chef de cabinet qui est franc-maçon. Ouais, Yves Chalier. Qui appartient à la même loge que la sienne, dont il est le vénérable. Alors, son supérieur en franc-maçonnerie, donc. Alors qu'au ministère, Chalier est son subordonné. Ouais, situation curieuse, hein. En tout cas, il existe entre les deux hommes une grande relation de confiance. Et au fil du temps, le ministre aura de plus en plus tendance à se reposer sur son chef de cabinet pour tout ce qui touche à l'intendance et aux questions administratives. Ils partageront même un compte bancaire commun. Ça, ce n'est pas ordinaire. Hein. En effet, et ça donne lieu à tous les soupçons. Alors, qui est Chalier ? Bon, c'est le rejeton d'une bonne famille de Nouvelle-Calédonie. Ah, encore la Nouvelle-Calédonie, ben, ça fait un lien supplémentaire avec Christian Nucci, ça. Sans aucun doute. Chalier a fait ses études en métropole, les jésuites, puis Saint-Cyr. Ouais, un militaire, donc. Et il accédera au grade de lieutenant-colonel avant de quitter l'armée pour l'administration préfectorale. Mais selon certains, il a peut-être aussi travaillé pour le SDEC, notre service de renseignement. Ah, un détail intéressant pour la suite, non ? Certainement, car dès qu'on évoque la France-Afrique, on pense aux barbouzes. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah ben, hein. Dans le civil, Chalier est d'abord chef de service au ministère des Dom-Toms. Puis en 1981, il est récupéré par le nouveau ministre de la Défense, Charles Hernu. Franc-maçon notoire. Oui, ouais. Il travaille donc au cabinet d'Hernu avant de rejoindre Nucci. Et votre avis, s'il a appartenu au service secret, il en est toujours ? Bah, je n'en sais rien. Mais je vous ai souvent dit que lorsqu'on avait fricoté avec les services, on n'en sortait jamais tout à fait. Mais là, non, désolé, sur le cas de Chalier, je ne peux pas vous en dire plus. Et Chalier, bah, que vaut-il sur le plan strictement professionnel ? C'est un chef de cabinet efficace, un type débrouillard qui s'arrange pour aplanir toutes les difficultés matérielles et s'efforce d'éviter tout souci à son ministre. C'est pratique, ça. Ça explique pourquoi Yves Chalier prend une importance grandissante au sein du ministère. C'est bien simple, il est indispensable. Ouais, mais c'est dangereux, ça aussi. Ah, bah, forcément, parce que le chef de cabinet est amené à prendre des initiatives sans en référer à son ministre. Ouais. Et ça explique les dérives du carrefour du développement ? En partie, oui. Surtout quand on a en face de soi un personnage qui a tendance à se laisser vivre et à goûter les facilités de tous ordres que procure un poste ministériel. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un numéro du Nouvel Observateur d'août 1986, François Caviglioli brosse un portrait sans concession de Christian Nucci, deuxième ministre de la coopération de François Mitterrand. Extrait. C'est l'Afrique qui va le prendre et l'engloutir. Cet homme d'appareil sérieux et efficace qui s'installe rue Monsieur et qui en réorganise les services va se transformer en quelques mois en un satrape capricieux. Alors qu'il se rend en visite officielle au Cap-Vert, il demande, à peine descendu d'avion, au chef du protocole de la compagnie pour le soir, plus un coopérant pour jouer avec lui au tennis le lendemain matin. L'Afrique a toujours été un vertige pour ceux qui ont exercé un pouvoir par délégation. Elle a un effet corrupteur sur les hommes politiques occidentaux. Aujourd'hui, qu'il regrette son paradis perdu dans sa mairie de Bourg-Père, Christian Nucci dit avec emphase « J'ai su adapter les formules occidentales au continent africain. J'ai tenu compte de la tradition culturelle et d'une certaine conception de la relation humaine chez l'homme africain. » En clair, ça veut dire qu'il a fait ce qu'ont fait ses prédécesseurs et ce que feront ses successeurs. Il a cédé à l'hospitalité africaine et il a considéré l'Afrique comme un pays de cocagne où l'on nous offre des chasses aux fauves et aux filles. Ce n'est pas étonnant que les potentats africains l'aient serré dans leurs bras le 14 juillet. Il était devenu l'un des leurs. La grande affaire du Carrefour du développement, c'est l'organisation en 1984 du 11e sommet franco-africain. Pour le lieu, le choix de l'Élysée se porte assez curieusement sur Bujumbura, la capitale du Burundi. Pourquoi curieusement? Bon, d'abord parce que si le Burundi est un pays francophone, c'est aussi une ancienne colonie belge. Ensuite, parce que ce pays, l'un des plus pauvres du continent, manque des infrastructures nécessaires pour accueillir une manifestation qui va regrouper des dizaines de chefs d'État. Il faudra donc donner un coup de main au petit Burundi. Bah, plus qu'un coup de main. Il faut en seulement quelques mois rattraper des années de retard. Alors, on peut se demander pourquoi François Mitterrand a fait ce choix. Oui, je n'ai pas de réponse. Tout au plus, peut-on imaginer que derrière ce choix très coûteux, il existe la volonté d'ancrer fortement le Burundi à la communauté francophone, alors que ce pays de la région des Grands Lacs peut être tenté de regarder vers l'Est, c'est-à-dire vers les pays anglophones. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Bon, admettons. Alors, vous avez parlé d'un choix très coûteux. Hein. Excessivement coûteux. Songez qu'il faut mettre en place un véritable pont aérien afin d'acheminer tout le matériel nécessaire, les cabines de traduction, les dizaines de limousines qui convoieront les présidents et la voiture blindée de Mitterrand, le tracteur de piste destiné aux concordes présidentielles, les groupes électrogènes, les vivres et les boissons nécessaires. Et j'en passe. Mais ça ne suffit pas, car sur place, il faut procéder à de nombreux aménagements. À quoi ? L'aéroport et l'infrastructure hôtelière, par exemple. Mais aussi tout ce qui concerne les télécommunications. Un système tout neuf de liaison aérienne est ainsi installé. Ouais. Mais un certain nombre de ces équipements demeureront après la tenue du sommet. C'est exact. Ouais. Tant mieux pour le Burundi. Par contre, la plupart des autres dépenses ne seront que de prestige et le coût sera faramineux. Et ça, c'est le point crucial quand même. Hein. Oui. Car de façon encore une fois très curieuse, c'est le Carrefour du développement qui est chargé d'organiser et de financer au moins la moitié des dépenses, c'est-à-dire plus de 80 millions de francs de l'époque. Mmh. Et une association de loi 1901. Et donc, Yves Chalier, son trésorier, est doublement en première ligne. Et sa besogne n'est pas de tout repos, car le financement de cette gigantesque affaire est un vrai casse-tête. Et Chalier doit faire appel à tout son sens de la débrouillardise. Parce que l'argent public ne suffit pas ? Non, l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée est largement insuffisante. Bon, alors je ne rentre pas dans les détails, mais le chef de cabinet doit jongler et se livrer à des opérations comptables parfaitement illégales pour à la fois trouver de nouvelles ressources et en même temps parer au plus pressé en échappant aux règles strictes de l'orthodoxie financière. Ouais. Un exercice très dangereux, là. Oui. Car ça lui ouvre des horizons insoupçonnés. Expliquez. Chalier découvre qu'en jouant avec les fausses factures ou les surfacturations émises par des sociétés écrans amis, il peut tricher à son aise. Oui, mais d'après ce que vous avez dit, il est presque forcé. Oui, je suis d'accord, mais tout cet argent liquide qui va si facilement passer par ses mains, bah, ça finit par lui donner le vertige, vous comprenez ? Parce qu'il y a aussi les fonds secrets mis à sa disposition et dont il use sans discrétion ni modération. Et il se dit qu'il... Pour en profiter personnellement ? Ben voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. Alors oui, Chalier est un vrai débrouillard, car tenez-vous bien, lorsque sera venu le temps de faire les comptes, on s'apercevra que le trésorier du Carrefour du Développement a pu s'offrir un studio, donner 800 000 francs à son ancienne épouse, 430 000 francs à une de ses maîtresses, offrir des bijoux, des voitures ou payer des voyages à quelques autres de ses bonnes amies. Il avait une vie sentimentale très riche. Assurément. Hein. Et attendez, j'ai pas fini. La cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est l'achat d'un château. Un épisode courtelinesque, mais bien réel. Bah, racontez-moi ça, alors. Chalier est informé par deux de ses amis, une sous-préfète et une voyante, qu'un château Solognaux, à moitié délabré, pourrait être acheté pour une bouchée de pain. Attendez, vous avez bien dit une voyante. Oui, oui, je n'invente rien. Une femme qui voyait peut-être pour les autres, mais qui était aveugle pour ce qui la concernait. La suite le prouve. Mais n'allons pas trop vite, c'est ça. Oui. Exactement. Mais ce château, alors, quel rapport avec la coopération ? Ces deux femmes suggèrent à Chalier que si le bâtiment était restauré, il pourrait servir de centre de formation pour les cadres africains. Le chef de cabinet n'hésite pas une seconde et approuve. On crée une nouvelle association. Le château est acheté, réhabilité. Plus de 3 millions de francs disparaissent ainsi. De l'argent public. Bien entendu. Et on ne verra jamais un cadre africain dans les salons rénovés. En vérité, les trois compères, via cette nouvelle association créée pour l'occasion, entendaient ni plus ni moins s'approprier le château. Ça, c'est énorme. Hein. Je vous le concède. Ouais. Mais il y avait quand même un ministre au-dessus de Chalier. Eh bien, Christian Nucci avait confiance et il signait tous les documents que son chef de cabinet lui soumettait. D'ailleurs, s'il ne signait pas, Chalier imitait sa signature. Ah oui, c'est plus simple. N'est-ce pas ? Je sais pas. Et ça vaudra de sérieux ennuis à Christian Nucci. Parce que le chef de cabinet ne se contente pas de magouiller pour son compte. Il agit au nom de son ami, le ministre. Ainsi, il paye avec l'argent du ministère quelques broutilles, comme les cotisations de Nucci au Parti Socialiste, ou encore des réceptions offertes à des dignitaires africains dans son fief électoral, et même les affiches électorales de son ministre. Et Nucci ne voit rien ? Bah, apparemment, non. Mais ça l'arrange ? Certainement. Chalier est une vraie nounou, mais je n'exclus pas qu'en réglant certaines factures personnelles de Nucci, Chalier n'ait pas voulu mouiller le ministre. Quoi, au cas où ça tournerait mal ? Effectivement. Et ça finira par arriver. Ouais, avec la cohabitation. Bien sûr. Au printemps 86, la gauche perd les élections. Et François Mitterrand doit appeler Jacques Chirac à Matignon. Ouais. Et cette première cohabitation sera très musclée. Oui, oui. Vous vous rappelez sans doute le refus présidentiel de signer les ordonnances sur les privatisations. Ça signifie que de part et d'autre, on est décidé à ne pas se faire de cadeaux. Et cela dans l'optique de la prochaine élection présidentielle. Évidemment. La droite n'a toujours pas digéré 1981 et aspire à prendre sa revanche. Et le nouveau ministre de la Coopération, Michel Aurillac, un gaulliste bon teint, ne tarde pas à se rendre compte que le dossier du Carrefour du Développement dissimule pas mal d'étrangetés. Et sans doute Aurillac est-il encouragé à s'intéresser à cette affaire par quelques vieux chevaux de retour de la France-Afrique. Ouais, Jacques Foccart. Entre autres. Ouais. Foccart est revenu dans les bagages de la droite, pour le plus grand bonheur d'un certain nombre de dirigeants africains qui ne juraient que par lui. Foccart qui, grâce à ses réseaux toujours en place, ne doit pas ignorer grand-chose. Sur le Carrefour. Oui, ouais. Quoi qu'il en soit, le nouveau ministre commence à découvrir les turpitudes des responsables du Carrefour du Développement. Et assez logiquement, il convoque le chef de cabinet de son prédécesseur. Afin qu'il s'explique. Naturellement. Ouais, ouais. Mais Chalier, très opportunément, n'est pas joignable. Il est parti en vacances avec l'une de ses maîtresses, une hôtesse de l'air qui a déjà largement profité de sa générosité. Mais sait-il que le ministre veut l'entendre ? Oui, oui, il comprend rapidement que le sol brûle sous ses pieds, car Michel Aurillac a saisi la Cour des comptes. Alors, son premier réflexe, c'est d'aller demander la protection de ses pairs et amis, à commencer par le monsieur Afrique de l'Élysée, Guy Pen. Mais Chalier comprend qu'il ne faut pas en attendre un quelconque secours. Aussi se rend-il à l'étage supérieur, directement chez Mitterrand. Ouais. Et réaction du président ? Glaciale. Il n'est pas question que le président, qui affirme tout ignorer de l'affaire, intervienne de quelque manière que ce soit. Par exemple, en bloquant l'enquête de la Cour des comptes. Et Mitterrand de lui asséner « Je ne vous couvrirai pas, ni vous, ni aucun de mes ministres. Ouais, » Ça, c'est la douche froide. Et alors, paniqué, Chalier s'adresse au désespoir de cause à la partie adverse qui, très vite, va s'employer à faire du scandale du Carrefour du Développement une formidable machine de guerre contre les socialistes, et plus particulièrement contre François Mitterrand. France Inter, rendez-vous avec X. Dans le livre de Jacques de Rogy et Jean-Marie Ponto, Investigation, passion, on trouve une relation précise du rendez-vous accordé par François Mitterrand à Yves Chalier. Le 15 avril, devant le chef de l'État, il commence par évoquer l'enquête de la Cour des comptes sur l'association Carrefour du Développement. Le président, qui entend ce nom pour la première fois, réclame des éclaircissements. Chalier, nullement intimidé, lui apprend que cette association a financé le sommet de Bujumbura et que 6 millions de fausses factures ont servi à payer les opérations clandestines nécessaires à la sécurité. En ce qui concerne le sommet, poursuit Chalier, intarissable, un rapport classé secret défense a été remis à Guy Pen à la demande de votre cabinet. Il détaillait l'utilisation de tous les fonds. « Je n'en ai jamais eu connaissance !» rétorque le président de plus en plus intrigué. Alors Chalier va plus loin, trop loin. Désignant par la fenêtre une R25 blindée stationnée dans la cour, il lui révèle que ce véhicule a été acheté par l'association Carrefour du Développement à l'occasion du sommet et ramené à l'Élysée pour l'usage présidentiel. C'en est trop. La patience de François Mitterrand s'use vite, très vite. Il laisse paraître son agacement. « Je ne suis pas au courant, on ne me dit rien !» Mais qu'attendez-vous au juste de moi ? L'ancien chef de cabinet joue alors son va-tout. Il demande carrément au chef de l'État de bloquer l'enquête de la Cour des comptes. « Je suis prêt à aller m'expliquer sur le carrefour du développement, mais si cela se révélait impossible, je souhaiterais être couvert. » Couvert ! Le mot fait sursauter le président qui entre subitement dans l'une de ses colères froides si redouté de ses collaborateurs. Le premier à saisir tout l'intérêt que présente l'affaire du Carrefour du Développement est sans doute Charles Pasqua. Ouais, Charles Pasqua qui est alors ministre de l'Intérieur. Oui, c'est lui qui va tenir le premier rôle. Au risque de se brûler les doigts lui-même. Ce qui va arriver, oui. En attendant, il lui faut mettre Chalier dans sa poche. Ce qui va pas être très difficile si l'homme est aussi paniqué que vous le dites. En effet. Alors je vais vite. Au cours d'une rencontre chez Michel Aurillac, le terrible Monsieur Pasqua, comme on l'appelait alors, lui aurait mis le marché en main. « Si vous nous donnez des munitions contre un outil, on s'arrangera pour vous protéger et même vous obtenir l'amnistie. Ouais, » ça c'est tentant. Hein. Chalier tombe dans le piège. Désormais, c'est un jouet entre les mains de la droite. Oui. Et on en arrive alors à ce qu'on a appelé l'affaire dans l'affaire. Oui, c'est-à-dire le scandale du vrai faux passeport. Alors, voilà comment ça se passe. Chalier est confié à un homme qu'il connaît déjà, un policier qu'il a d'ailleurs rencontré lors du sommet du Bujumbura en 1984. Jacques Delebois, le patron du SCTIP, le service de la police chargé de la coordination internationale. Avec les autres polices. Oui, c'est aussi un service chargé de la formation des policiers étrangers, en particulier dans nos anciennes colonies. Au fond, pour simplifier, c'est une sorte de service des affaires étrangères de la police. Oui, ça doit à l'occasion permettre de recueillir de l'information. Certainement. Enfin, ouais. Ce n'est pas un hasard si ce Delebois est un ancien de la DST. C'est un personnage qui a fait parler de lui quelques années plus tôt. Les plombiers du canard, vous vous souvenez ? Ah bah oui, la malheureuse tentative de placer des micros dans les locaux du canard enchaîné. Eh bien, Delebois faisait partie de l'équipe. Ah ouais. Et après cet épisode pitoyable, il a dû se faire oublier quelques années en Afrique. Et c'est à son retour en France qu'il a été versé au SCTIP et qu'il en est devenu le directeur en mars 86, c'est-à-dire dès le retour de la droite au pouvoir. Ah oui, et là encore, ce n'est pas un hasard. Bien sûr que non. Delebois était un protégé de Pasqua, le nouveau ministre de l'Intérieur dont il partageait les convictions politiques. Alors je reviens un peu en arrière. Donc Chalier est confié, pour reprendre votre expression, à Delebois. Delebois, qui est alors au sommet de sa carrière de flic, puisqu'il est devenu contrôleur général. Et ça, c'est le plus haut grade de la hiérarchie policière. Oui, alors... Voilà le scénario imaginé chez Pasqua et que Delebois est chargé de mettre en musique. Chalier doit être mis au vert, tandis que le scandale du Carrefour du Développement va être habilement exploité de façon à compromettre la gauche et par conséquent son grand homme, François Mitterrand. Et pourquoi mis au vert ? Parce que tout doit laisser penser qu'il a fui pour échapper à la justice. Mais auparavant, il lui est demandé de rédiger une longue confession où il décrit les turpitudes du Carrefour du Développement et accable son ancien ministre, Christian Nucci. Confession qui, comme par hasard, va se retrouver dans la boîte aux lettres personnelle du successeur de Nucci, Michel Aurillac. Mmh. Et pour le mettre au vert, comme vous dites, là, on envoie Chalier à l'étranger. Oui, au Brésil, plus précisément, où l'ancien chef de cabinet est pris en charge par des Corses installés là-bas. Des Corses qui appartiennent au milieu des jeux. Ah oui, là encore, on pense à Pasqua. Hein. Forcément. Cependant, avant de fuir pour le Brésil, via Bruxelles et Londres... Ah oui, afin de brouiller les pistes. Bah, naturellement, de le bois, tout prévu. Donc, avant de partir, Chalier a reçu la promesse qu'il serait fourni une nouvelle identité. Ah mais d'où le vrai faux passeport. Mais qui lui sera remis dans le luxueux appartement de Copacabana où il habite par un autre Corse. Ouais, alors ce passeport, dites-moi là, ce passeport qui va tant faire parler. Bah, c'est un document authentique qui fait partie d'un lot de passeports vierges mis à la disposition du contre-espionnage. La DST. C'est ça. Tous les services de renseignement utilisent ce procédé pour éventuellement couvrir les activités clandestines de leurs agents. Mais bien sûr, ces documents officiels ne sont distribués qu'avec parcimonie. Et lorsque la mission est terminée, bah, ils doivent être restitués au service qui les détruit ensuite. Mmh. Mais dans le cas de Chalier, le contexte est complètement différent. Et Chalier, même s'il a peut-être autrefois fricoté avec le SDEC, n'est pas un agent. Par conséquent, si on lui fournit ce vrai faux passeport établi au nom d'un certain Yves Navarro, c'est qu'un ordre supérieur a été donné à la DST. Et puis, ne finissons pas, il sera plus tard établi que c'est le ministre en personne qui a donné cet ordre. Mais Pasqua, donc. Il niera longtemps et se réfugiera même derrière le secret défense pour ne pas devoir s'expliquer. Mais aujourd'hui, le doute n'est plus permis. Une question avant de poursuivre. Espérait-on que Chalier, muni de papiers d'identité impeccables, referait sa vie au Brésil? Je le pense. Et c'est d'ailleurs ce qui a failli arriver. Chalier, très entreprenant, a pensé faire carrière dans l'industrie des jeux où ses protecteurs corses prospéraient déjà. Bah, vous le savez, après une longue cavale, il a fini par revenir en France. Le mal du pays? Sans doute. Et puis sa maîtresse, à laquelle il était très attaché, n'entendait pas s'installer au Brésil. D'autant plus qu'elle a été mise en détention provisoire par le juge d'instruction chargé de l'affaire. Une sorte de chantage. Donc il revient, Chalier revient, et l'affaire dans l'affaire, comme on l'a appelée, éclate. C'est-à-dire celle du vrai faux passeport. Et dorénavant, passez-moi l'expression, c'est du donnant-donnant entre la gauche et la droite. D'un côté, il y a les charges qui pèsent contre Nucci, coupable pour le moins de négligence dans la gestion de son ministère et de l'association du Carrefour de développement. Et de l'autre, il existe de lourdes présomptions contre Pasqua, dont la police a protégé un individu recherché et mis à sa disposition un document d'identité falsifié. Et l'un et l'autre, alors, soupçonnés d'avoir fauté lors de leur exercice de ministre, ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice. Une juridiction composée de parlementaires. Alors pour Nucci, effectivement, l'Assemblée nationale vote afin qu'il soit déféré devant la Haute Cour. Mais en 1988, Mitterrand est réélu à la présidence de la République et dans la foulée, les élections législatives donnent la victoire à la gauche. Et la nouvelle majorité vote une loi d'amnistie très opportune qui permet à Nucci d'échapper aux poursuites. Et parce quoi ? Bah, je vous ai dit que c'était donnant-donnant. Eh bien, malgré la levée du secret défense par le nouveau ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, et l'aveu du patron de la DST, qui reconnaît que c'est bien Pasqua qui lui a demandé de confectionner le vrai faux passeport, le ministre de la Justice du gouvernement Rocard décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Ah ouais, alors au fond, match nul. C'est à peu près ça, oui. Et ceux qui auront affaire à la justice ne seront que les seconds rôles. Chalier d'abord, parfait bouc émissaire, sera condamné à 5 ans de prison, et Delebois, qui écopera de 4 mois avec sursis, mais ne sera pas révoqué de la police. Ah ouais. Cependant, au cours de ces procès, on n'a jamais évoqué l'essentiel. Et que voulez-vous dire là ? Bah, le Carrefour du développement n'a pas seulement servi à financer l'organisation du sommet du Bujumbura et les fantaisies extra-conjugales d'Yves Chalier. Ah, quoi d'autre alors ? Bah, en réalité, le Carrefour du développement a été créé pour financer une opération barbouzarde. Je vous explique. En 1983, le régime du Tchadien Hissène Habré est sérieusement menacé. Son rival et ancien allié, le Toubou Kouguni Wedei, soutenu par le colonel Kadhafi, a repris les armes et ses troupes progressent vers le sud. Déjà, la place de Faya Larjo est tombée. Et l'étape suivante, c'est la capitale, bien entendu. Alors, comme d'habitude, Habré appelle au secours l'ancien colonisateur. Mais Mitterrand répugne à engager des militaires français dans des opérations extérieures, surtout lorsqu'il s'agit de soutenir un régime douteux. Mais d'un autre côté, ne pas intervenir, c'est laisser le champ libre à la Libye, qui ne cesse de se mêler des affaires tchadiennes. Et qui a même des visées territoriales. C'est exact. Paris choisit donc de se lancer dans une action plus discrète en juillet 83. D'abord en recrutant des mercenaires. et ensuite en apportant aux forces tchadiennes un appui logistique. Ouais, des livraisons de matériel militaire ? Ouais, des missiles en particulier. Quant aux mercenaires encadrés par des agents de la DGSE, ils sont pour la plupart d'anciens compagnons du fameux Bob Denard, et même des militants d'extrême droite. C'est marrant ça, parce que des gens recrutés par un gouvernement socialiste... Bon, ce qui prouve qu'il y a des moments où il est préférable de fermer les yeux, quoi qu'il en soit. C'est le Carrefour du développement, tout nouvellement créé, qui est chargé d'organiser tout ça. Et alors c'est Chalier, en tant que trésorier, qui est aux manettes. Et Chalier qui découvre alors le monde discret et fort lucratif des sociétés de transport et des marchands d'armes. Ouais, je vois où vous voulez en venir, là. Et c'est presque naturellement qu'un peu plus tard, lorsqu'il sera question d'organiser le sommet de Bujumbura, il fera appel à ces mêmes compagnies de transport qui multiplient les fausses factures et n'oublient jamais de rémunérer grassement le très industrieux chef de cabinet de Christian Nucci. Un dernier mot, si vous le voulez bien. L'action des mercenaires de la force Omega, tel est le nom qu'on lui a donné, ne sera guère couronnée de succès. Et Mitterrand devra se résoudre à envoyer l'armée française au Tchad. Et ce sera l'opération Manta. Deux livres pour terminer, et d'abord un ouvrage qui tombe à point, « Profession fouille-merde » de Georges Marion, un journaliste qui, dans les colonnes du Monde, a soulevé quelques beaux lièvres, dont celui du Carrefour du développement. Et ensuite, le premier principe, le second principe, de Serge Bramly, un ouvrage à clé ambitieux qui décrypte sous forme romanesque quelques-uns des événements des deux dernières décennies, et dont le narrateur est un agent secret qui a parfois les accents de Monsieur X. Des ouvrages dont vous trouverez les références sur notre site franceinter.com. À samedi prochain, merci à Michel Billoux, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou. Un peu d'oxygène, ça fera du bien.